Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Hegel, enregistrée en avril 2018. Aujourd'hui, connaissez-vous la dialectique du maître et de l'esclave? C'est une idée clé de la philosophie de Hegel qui permet de comprendre pourquoi, pour devenir moi, j'ai besoin de me soumettre au désir d'autrui. Sartre en parle, Lacan en parle, Judith Butler en parle, Habermas en parle, la moitié des films que vous avez vus en parle, et Dépêche Mode ne dit pas autre chose. Bonjour Olivier Tinlan. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes avec nous en duplex depuis Montpellier. Oui, je suis désolé d'ailleurs à ce sujet d'être à distance du studio pour parler d'une scène primitive d'intersubjectivité. Il était préférable d'être en face à face. Mais on va essayer de faire oublier cette distance au moins par le son. Grâce à Dépêche Mode, déjà quand Dépêche Mode parle et décrit la relation entre le maître et le servant, c'est un jeu, c'est sous forme de jeu, c'est ce que la chanson raconte. On va jouer à un jeu, ça s'appelle Maître et Servant, ou Maître et Serviteur. Mais pour Hegel, ce qu'on appelle la dialectique du maître et du servant ou de l'esclave, c'est pas du tout un jeu, c'est quelque chose de très sérieux, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, mais encore une fois, il y a des jeux sérieux, hein, et d'ailleurs, juste pour dire un mot de la chanson de Dépêche Mode, ouais. C'est une chanson qui est finalement plus complexe qu'elle en a l'air, et qui justement parle à la fois d'amants qui jouent sous les draps à des jeux justement de domination, d'inégalité, mais qui aussi justement souligne que dans la vie, c'est pareil. D'ailleurs, tout le clip de Dépêche Mode met en scène justement des ouvriers au travail, des hommes politiques, maîtres du monde, etc. Et donc, dans ce jeu-là, il y a une sorte de vertige qui est, sous une forme ludique, de rejouer ce qui se passe sous une forme éminemment sérieuse et souvent tragique dans le monde. Donc, ça donne aussi à cette chanson un double fond qu'elle ne semble pas avoir de prime abord. Et c'est sûr que chez Hegel, la dialectique, alors, on l'appelle la dialectique du maître et de l'esclave. J'essaierai d'expliquer pourquoi cette expression ne convient pas vraiment, même si elle a beaucoup joué pour la rendre populaire. Mais c'est sûr que cette dialectique ne constitue pas un jeu. C'est une expérience difficile, une expérience où il en va de la vie et de la mort, de la domination et de la servitude. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans des choses éminemment sérieuses avec ça. Est-ce qu'on trouve cette expression comme telle, la dialectique du maître et de l'esclave, dans le texte de Hegel ? Non, pas du tout. Il s'agit d'une expression rétrospective qui est devenue justement l'expression standard pour rendre compte donc de ce chapitre 4 de la phénoménologie de l'esprit, donc le premier grand chef-d'œuvre de Hegel. Et c'est une expression postérieure qui a été inventée au XXe siècle et qu'on retrouve notamment... qui passe à la postérité, notamment grâce au grand livre d'Alexandre Kojève, dont on reparlera peut-être un peu plus tard, Introduction à la lecture de Hegel, qui porte d'ailleurs très mal son titre, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'une introduction à la lecture de Hegel, mais il s'agit donc d'un ensemble de cours, de leçons que Alexandre Kojève, jeune intellectuel russe émigré en France, avait fait dans les années 30, à l'école des hautes études, devant un parterre d'intellectuels. C'était une sorte de séminaire all-star, on dirait maintenant, puisque dans son public, on rêverait d'avoir un public comme ça. Il y avait des gens comme Lacan, comme Merleau-Ponty, comme Raymond Queneau, comme Raymond Aron, et bien bien d'autres, et Georges Bataille, Jean Hippolyte, et j'en oublie encore. Et donc dans ce séminaire, Kojève a justement fait de cette figure du maître et du serviteur, comme je préfère l'appeler, le symbole, le point culminant de la pensée de Hegel, son véritable cœur. Et donc c'est à partir de Kojève qu'est passé vraiment dans le langage courant cette idée d'une dialectique du maître et de l'esclave au prix à la fois le prix la chose est tout à fait claire de bien des malentendus. Ce qui est clair aussi, et on y reviendra hein, sur cette lecture par Alexandre Kojève du texte hegelien, c'est que, vous l'avez dit, l'expression elle-même a sans doute été un peu détournée de son sens original, mais aussi l'expression nous fournit un point de départ commode pour cette émission, à l'occasion de cette série de 4 émissions que nous proposons sur Hegel cette semaine sur les chemins de la philosophie, parce qu'elle permet, de manière un peu scolaire, de définir les termes employés par Hegel, et notamment celui de dialectique. Quand on cite le philosophe Hegel, qu'on l'ait lu ou pas, le terme de dialectique apparaît très vite. Et ici, appliqué au maître et au serviteur, bah peut-être qu'on atteint quelque chose de plus concret ou de plus parlant pour quiconque ne serait pas familier du vocabulaire hegelien. Alors la dialectique chez Hegel, c'est quelque chose d'un peu particulier. Avant Hegel, la dialectique, c'était une méthode de pensée, une méthode d'argumentation, qui consistait justement à faire valoir un argument pour, un argument contre, et essayer de progresser comme ça, dans la diversité des arguments, vers une vérité probable. Chez Kant, la dialectique concerne toujours la pensée. La dialectique transcendantale dans la Critique de la raison pure met en scène les antinomies de la raison. Et donc, ce qui intéresse Hegel dans la manière dont Kant comprend la dialectique, c'est justement que, pour Kant, la dialectique permet de comprendre des contradictions qui sont nécessaires dans la pensée, des contradictions que la raison secrète de manière fatale quand elle essaye de penser ce qui est au-delà de ses capacités. Et donc Hegel va franchir un nouveau cap et voir dans la dialectique non pas simplement quelque chose qui concernerait seulement la pensée, mais quelque chose qui concerne la réalité. La réalité est dialectique pour Hegel. Ça veut dire que cette réalité n'est pas simplement une collection d'existants, des temps qui sont là les uns à côté des autres, mais qu'elle est traversée par une forme de négativité. Les choses, pour Hegel, ne restent pas ce qu'elles sont. Ce sont des choses finies, et à ce titre, elles sont emportées au-delà d'elles-mêmes. Donc l'incarnation de la dialectique, hein, c'est le temps, et le temps sous son versant naturel et sous son versant humain, c'est-à-dire l'histoire. Toute chose est assujettie au temps, et à partir de là, est appelée justement à naître, croître, se développer et périr, par exemple. C'est une des versions de la dialectique. Mais de manière plus générale, est dialectique, justement, un processus dans lequel une réalité va être amenée, justement, à nier ce qu'elle est, immédiatement, à se transformer et à devenir autre chose. Et c'est ce que l'on va, justement, c'est ce à quoi on va assister dans la configuration du maître et du serviteur. Mais est-ce que ça veut dire que le terme de dialectique est uniquement désigne une méthode philosophique qui consiste à essayer d'éprouver la réalité d'un concept par sa négation, ou est-ce que pour Hegel, la réalité est elle-même de manière effective dialectique, c'est-à-dire que la manière qu'ont les choses de se transformer, c'est sans cesse de se nier pour mieux se dépasser? Pour Hegel, la réponse est claire, la dialectique, elle est d'abord ancrée dans les choses. Le philosophe ne fait qu'exprimer d'une manière conceptuelle, rationnelle, ce qui opère déjà à même la réalité. La réalité, pour Hegel, est déjà pétrie de dialectique. Alors, il faut pas croire pour autant que Hegel se donne une représentation monochrome, mécanique, formelle de cette dialectique. Il faut pas croire que pour lui, elle opère de la même manière dans toutes les régions du réel. Mmh. Elle opère certes dans la nature, par exemple. La nature, pour Hegel, est animée par un vaste processus dialectique, qui est un processus d'immatérialisation, comme il le dit. On part des formes les plus rudimentaires de la nature, les corps matériels justement qui s'entrechoquent, et petit à petit on passe à des processus chimiques, on passe à des processus physiques complexes, et la nature culmine dans son processus dialectique dans la production de l'organisme vivant. Et donc la vie organique, pour Hegel par exemple, c'est le résultat dialectique de la nature. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la nature. Dans l'esprit, la dialectique prend une forme exacerbée, puisque pour Hegel, l'esprit, c'est ce qui est par essence, justement, la réalité la plus dialectique. puisque c'est la réalité la plus fluide, c'est la réalité qui est la moins empêtrée dans une forme d'inertie dans l'être. Et donc, qui à ce titre est la plus susceptible justement de se plier à ce mouvement perpétuel, mouvement de négation, conservation et élévation à un plan supérieur de la vie de l'esprit. C'est passionnant parce que le terme de dialectique désigne l'inverse que ce que l'on peut y accoler quand on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Dialectique est un terme qui peut faire peur, qui paraîtrait figé comme une espèce de concept méthodologique qu'on appliquerait à une réflexion philosophique. Or, pour Hegel, la dialectique, c'est juste une manière de dire que tout est sans cesse en mouvement, que tout est transformation. Et Hegel a pour but, parmi tant d'autres, de dépasser justement ce que le concept philosophique peut avoir de trop rigide et de trop fixé, pour montrer qu'au contraire tout est tout le temps en mouvement, comme si c'était l'héritier d'Héraclite finalement, celui qui pense qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et que rien ne se ressemble jamais et que tout est foisonnant. La première catégorie importante de la science de la logique, c'est le devenir. Et donc c'est la catégorie d'Héraclite par excellence. Et de ce point de vue-là, oui, Hegel est un disciple d'Héraclite. C'est un disciple de Parménide aussi, mais c'est une autre question. Mais il est d'accord avec Héraclite pour dire que le devenir régit fondamentalement la réalité. Et donc de ce point de vue-là, en effet, la dialectique, c'est quelque chose qui n'a... Pourquoi est-ce que Hegel en est venu à élaborer une méthode dialectique ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait un phénomène qu'il n'arrivait pas à penser au moyen de ce qu'il nommera plus tard le seul simple entendement, c'est la vie. Penser la vie, c'était justement l'objectif pour lui de la philosophie. Or, penser la vie, c'est penser des phénomènes tellement complexes, tellement changeants, que justement le simple plaquage de concepts fixes dessus ne conduisait qu'à produire des abstractions, qu'à finalement saisir le vif comme du mort. Et donc de ce point de vue-là, la dialectique, qu'est-ce que c'est ? C'est une tentative assez inouïe dans l'histoire de la philosophie pour se donner une image de la pensée, une conception de la pensée qui soit à la hauteur de la vie. C'est très compliqué, hein. C'est quelque chose qu'on retrouvera chez Nietzsche plus tard, sous une forme très différente. Mais chez Hegel déjà, on a cette idée, cette ambition extrême, qui est de dire finalement, plutôt que d'opposer la pensée et la vie, plutôt que de croire que dès qu'on applique du concept au vivant, finalement on momifie ce vivant, comme dira Nietzsche, on produit simplement des dépôts intellectuels inertes du vivant, on va essayer simplement de trouver une nouvelle manière de penser. Une manière de penser qui restitue autant que possible la fluidité de ce qui est à penser lui-même. Et cette manière de penser, c'est justement la méthode dialectique. Mais autant chez Nietzsche, on voit très bien comment l'écriture même de Nietzsche est au service de cette pensée foisonnante, tantôt poétique, tantôt lyrique, tantôt drôle, et cette forme souvent d'aphorisme qui montre que le réel est sans doute fragmentaire, qu'il n'y a pas une espèce d'unité générale. Autant chez Hegel, on va entendre un texte tout de suite, un extrait de la Phénoménologie de l'esprit, on a cette langue au contraire qui paraît assez lourde, assez jargonnante, pour le coup assez figée, voire systématique, qui semble s'opposer en tout point à ce que vous venez de dire, à cet élan, cette tentative d'épouser le mouvement même inhérent à la vie. Oui, alors ça, évidemment, on peut le voir comme ça. Alors, il y a plusieurs choses à répondre à ça. D'une part, la Phénoménologie de l'esprit, c'est le premier grand chef-d'œuvre de Hegel. C'est un texte qui est à la frontière de la jeunesse et de la maturité. 1807. C'est un texte, vous savez, voilà. Et vous savez, quand un grand artiste ou un grand intellectuel produit son premier chef-d'œuvre, le défaut, c'est de vouloir tout mettre, de vouloir tout faire en même temps. Et donc ça a donné ce livre qui est une sorte d'ovni, qui est sans doute l'un des ouvrages les plus difficiles de l'histoire de la philosophie, où Hegel veut faire plusieurs choses à la fois. Il veut à la fois introduire au point de vue philosophique qui est le sien, il veut donner une échelle à son lecteur pour le conduire jusqu'à ce qu'il appelle le savoir absolu, c'est-à-dire un savoir libéré des entraves de la conscience naturelle, un savoir qui pense justement par-delà les carcans de la vie ordinaire, de la logique ordinaire. Et en même temps, il a voulu, tout en proposant cette introduction, il a voulu aussi proposer un exposé de tout son système, de toute sa pensée quasiment. Et en même temps, il a voulu aussi inventer une nouvelle langue, une langue qui soit capable justement de ne pas tomber dans les approximations de la langue ordinaire, du langage courant, mais justement d'accéder à une forme de décantation ultime, qui en fait une langue improbable, hein, une langue que même les Allemands n'arrivent pas à lire. Vous savez que les Allemands, quand ils ont besoin de lire la phénoménologie de l'esprit, en général, ou l'encyclopédie, ou la science de la logique, la lisent volontiers dans les traductions françaises. Parce que ça, finalement, ils n'arrivent pas à retrouver leur propre langue dans les textes de Hegel. Et le détour par le français, paradoxalement, leur permet de s'y retrouver davantage. Incroyable. C'est une sorte de langue étrangère pétrie dans l'allemand. Bah, voilà. On va entendre la version donc traduite, c'est... donc oui. Plus facile, c'est ça, d'après ce que vous dites. Et pourtant, alors peut-être vous voulez en dire encore deux mots. Donc c'est un extrait qui décrit le début de ce qu'on a appelé la dialectique du maître et du serviteur, qui montre que pour réaliser sa propre spiritualité, la conscience doit se faire reconnaître d'une autre conscience, c'est-à-dire rentrer dans un processus au cours duquel elle doit nier ce qui la constitue comme singularité, pour accéder à autrui. Ça, c'est l'idée principale. Et les mots qu'on va entendre, on se rend pas forcément compte qu'ils désignent cette réalité-là. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs qui s'apprêtent à entendre 1 minute 25 de lecture de la phénoménologie de l'esprit ? Un seul conseil, soyez fort, serrez les dents, ça va aller. Et on va tout vous expliquer par le menu juste après. Alors, allons-y. Se présenter soi-même comme pure abstraction de la conscience de soi consiste à se montrer comme pure négation de sa manière d'être objective, ou consiste à montrer qu'on n'est attaché à aucun être là déterminé, pas plus qu'à la singularité universelle de l'être là en général, à montrer qu'on n'est pas attaché à la vie. Le comportement des deux consciences de soi est donc déterminé de telle sorte qu'elles se prouvent elles-mêmes et l'une à l'autre, au moyen de la lutte pour la vie et la mort. Elles doivent nécessairement engager cette lutte, car elles doivent élever leur certitude d'être pour soi à la vérité, en l'autre et en elle-même. C'est seulement par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté, qu'on prouve que l'essence de la conscience de soi n'est pas l'être, n'est pas le mode immédiat dans lequel la conscience de soi surgit d'abord, n'est pas son enfoncement dans l'expansion de la vie. On prouve plutôt par ce risque que, dans la conscience de soi, il n'y a rien de présent qui ne soit pour elle un moment disparaissant. On prouve qu'elle est seulement un pur être pour soi. Et c'est le piano de Mendelssohn qui est de nous faire passer la pilule hegelienne sur France Culture, les chemins de la philosophie. Vous venez d'entendre un extrait de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, un des textes les plus difficiles de l'histoire de la philosophie, disiez-vous. Olivier Tinlan, qui est avec nous en duplex depuis Montpellier pour cette émission. Et vous nous avez promis de nous aider à comprendre ce texte face à une telle densité. Moi, j'aurais tendance à procéder en isolant au moins une phrase que je comprends et qui est claire. La voici, c'est seulement par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté. Mais c'est finalement une bonne manière de résumer ce que Hegel veut dire, je crois, non ? Oui, c'est sûr que c'est l'un des enjeux essentiels de ce texte. Hegel a une belle formule dans les leçons sur la philosophie de la religion, qu'il a écrite beaucoup plus tard. Il dit que l'homme naît deux fois, une fois comme être naturel, une fois comme être spirituel. C'est un born again, si vous voulez. Oui. Et de ce point de vue-là, la dialectique de la maîtrise et de la servitude est une sorte de parabole conceptuelle. Qui permet justement de comprendre de façon très décantée, encore une fois, Hegel ne prétend pas ici décrire des situations réelles, il décrit une sorte de squelette idéal, de décantation conceptuelle ultime de quelque chose, d'une structure que nous retrouvons en tout un tas d'expériences différentes. Hein, voilà, c'est comme ça qu'il faut apprendre cette dialectique. Donc, juste, si vous me permettez, deux mots pour remettre les choses en contexte. C'est comme quand on tombe sur un épisode de série, il faut toujours d'abord écouter la phrase dans les épisodes précédents, tout à fait. Donc, dans les épisodes précédents, qu'est-ce qui se passe ? Donc, la phénoménologie de l'esprit, c'est un vaste traité dans lequel Hegel montre les étapes par lesquelles doit passer la conscience pour parvenir à une conception authentique du savoir, donc de la vérité. Les premières sections de l'ouvrage traitent de la conscience comme telle qui s'oublie elle-même et qui essaye de trouver la vérité dans l'objet, dans ce qui est face à elle, puisque être conscience, c'est justement d'abord s'oublier soi-même et être emporté vers le monde, vers les objets qui nous entourent. Et donc, dans les trois premiers chapitres, Hegel nous montre les échecs successifs de cette conscience pour trouver le vrai dans l'objet. La conscience n'y arrive pas, et à la faveur de ces échecs répétés, que je ne peux pas évidemment détailler là, elle prend conscience de quelque chose, elle prend conscience du fait que le monde ne lui est pas simplement donné comme ça, mais que la manière dont elle se rapporte au monde dépend largement d'elle-même. Et à partir de là, elle se retourne vers elle-même et elle va faire du rapport à elle-même justement la seconde orientation de sa quête de vérité. Elle devient, nous dit Hegel, conscience de soi. Alors conscience de soi non pas simplement de manière ordinaire, au sens où nous avons tous conscience de nous-mêmes, mais au sens où justement je me prends pour objet. L'inquiétude de mon savoir, de ma quête de vérité, se tourne vers moi-même. Je me demande ce que je suis, je me demande dans quelle mesure je peux être un pôle de vérité. Et donc dans ce cadre-là, la conscience de soi va faire une première expérience, là aussi déceptive. Toutes les expériences par lesquelles passe la conscience sont des échecs, sont des impasses, mais ce sont des échecs féconds, des échecs dont la conscience va tirer quelque chose, selon le modèle classique du Bildungsroman, du roman de formation, que Hegel ici transpose sous une forme philosophique. Et donc la conscience, d'abord, elle essaye de s'éprouver elle-même par la consommation du monde, par la négation du monde dans le désir. Mais cette expérience est un échec. La conscience a besoin de savoir ce qu'elle est, en sa vérité, mais en se tournant vers les choses, en consommant les choses naturelles, elle n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trouve pas dans la nature quelque chose qui puisse lui servir de miroir. Et d'autre part, l'expérience du désir, c'est une expérience, nous dit Hegel, justement, où le référent disparaît. Je consomme, par exemple, sous la forme nutritive, je consomme la chose naturelle, elle disparaît, elle n'est plus là, et je dois recommencer pour essayer de me redonner, de redonner une consistance à ce reflet de moi-même. Et c'est là que surgit autrui. Précisément, la conscience comprend que ce n'est que face à un alter ego, à un autre elle-même, qu'elle peut justement arriver à apprivoiser sa propre vérité. Et donc nous en sommes là, c'est à ce moment-là que se noue le rapport de reconnaissance. J'aimerais dire un mot d'ailleurs de cette notion de reconnaissance. Ce qu'on entend en français, c'est d'abord l'idée de connaître deux fois. En fait, c'est pas vraiment ça que dit l'allemand. Anerkennen, c'est à la fois connaître quelque chose. Quand je reconnais quelqu'un, à la fois je reconnais son identité, je sais qui il est, mais c'est aussi une forme de reconnaissance au sens d'accorder de la valeur à quelqu'un. Et donc on a ces deux aspects-là qui se jouent dans le rapport à autrui pour Hegel. Une dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est que la dialectique du maître et du serviteur, ici, c'est une sorte de scène primitive. D'ailleurs, Hegel la compare souvent à l'état de nature, tel qu'on le trouve chez Hobbes, par exemple, cette fameuse guerre de tous contre tous. Cette dialectique, cette confrontation qui va entre deux consciences, qui va prendre la forme asymétrique du rapport du maître et du serviteur, c'est une forme pré-sociale et donc préhistorique de rapport intersubjectif. C'est finalement, Hegel ici nous raconte la manière dont s'élabore une esquisse d'intersubjectivité quand nous n'avons pas encore de sol, de terrain social, normatif, éthique, politique, etc., historique, sur lequel prendre appui pour justement nous rapporter les uns aux autres. Et donc, il s'agit d'un face-à-face finalement assez singulier et qui est finalement la fascination qu'il suscite est notamment liée à ça, puisque nous avons deux individus face-à-face, mais qui n'ont aucune ressource qu'eux-mêmes pour justement se rapporter l'un à l'autre. Et c'est là que va se nouer ce rapport de reconnaissance. Alors, vous parliez de la vie. Mmh. En effet, l'un des enjeux du rapport de reconnaissance, c'est quoi ? C'est de montrer justement que contrairement à ce qui se passe dans l'expérience du désir, on essaye désespérément de trouver dans des objets naturels que l'on consomme un reflet de sa propre identité. Il s'agit de montrer justement que l'on n'est pas soi-même un simple être naturel, un simple animal. On n'est pas des bêtes, pour le dire autrement. Mmh. Et donc, pour montrer ça, il faut justement arriver à prouver à l'autre qui est le seul témoin du fait que je ne suis pas une bête. C'est autrui, c'est la conscience qui me fait face. Et pour l'instant, elle ne sait rien de moi, puisqu'elle me voit comme un objet parmi d'autres qui évolue dans la réalité, comme un objet vivant. Elle me voit comme un vivant qui se déplace, qui fait certaines choses, mais elle ne me voit pas comme un être spirituel. Elle me voit comme un animal. Comment lui prouver que je suis plus qu'un animal ? Précisément, en engageant ce que Hegel va nommer le combat à la vie et à la mort. Hein, un combat où, justement, je lance à l'autre et je me lance à moi-même un défi qui consiste à dire « chiche, essayons de nous montrer l'un à l'autre que nous valons mieux que cela, donc que ce nous combat, ne sommes pas que des animaux. » Si je vous comprends bien, Olivier Tinlan, ce combat n'est pas celui d'une survie comme c'est le cas chez Hobbes, ou s'il y a une guerre de chacun contre chacun, c'est pour sauver sa peau, et que si l'autre est un moyen nécessaire pour rester en vie, eh bien nous sacrifierons l'autre pour rester en vie. Mais c'est un combat pour se faire reconnaître en tant qu'être humain, en tant que non-animal, en tant que conscience, ce qui est très différent. Exactement. D'ailleurs, Hegel, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'a qu'une piètre estime de l'état de nature chez Hobbes. Il dit sans cesse que la seule chose que Hobbes a dite qui était juste, c'était qu'il fallait sortir de l'état de nature. Mais pour le reste, il estime que Hobbes se trompe totalement sur la représentation de ce que serait un état de la vie humaine avant la société. Pour Hegel, justement, le combat qui se met en place, c'est un combat d'abord, justement, où, encore une fois, il s'agit pas de... C'est pas un combat pour la survie, parce que le combat pour la survie, c'est un combat animal encore. C'est un combat encore où je suis rivé à mes besoins physiques, à mes besoins naturels, où je veux sauver ma peau. Ici, c'est tout le contraire, puisque justement, c'est un combat où je montre que la vie n'est pas si importante que cela, que je suis capable de la mettre en danger, de la risquer, pour montrer que la valeur que j'ai en moi est supérieure à cette vie naturelle. Mais pourquoi est-ce un combat ? Pourquoi est-ce que cette nécessité de la reconnaissance d'autrui pour saisir ma propre conscience en tant qu'être humain et pas simplement animal doit se faire sous la forme d'un combat, d'une domination, d'une lutte, et pas simplement un face-à-face, une reconnaissance d'égal à égal ? Alors, il s'agit de choses différentes. D'abord, l'étape du combat. Encore une fois, rappelons-nous que je suis face à autrui, que je n'ai aucune connaissance de lui, qu'il n'y a personne d'autre, que je n'ai pas de règles morales, pas de règles juridiques, pas de cadre social. Et que donc, la seule manière de m'attester comme être spirituel, c'est de mettre ma vie en jeu. Simplement, j'ai besoin qu'autrui reconnaisse ce que je suis en train de faire. Donc j'ai besoin d'extorquer à autrui, justement, cette reconnaissance. Et donc j'ai besoin aussi de voir autrui faire la même chose que moi. Puisque pour... Alors, c'est là, c'est le premier aspect de la reconnaissance qui est intéressante, c'est la contrainte de réciprocité. Si je veux qu'autrui me reconnaisse, je dois moi aussi reconnaître autrui. Et si je veux montrer que je suis supérieur à la vie, je dois pouvoir être reconnu par quelqu'un qui est lui-même à montrer qu'il était supérieur à la vie. Autrement dit, pour être reconnu par autrui comme être spirituel, j'ai besoin qu'autrui montre aussi qu'il est un être spirituel. Donc j'ai besoin de l'inciter, justement, à faire la même chose que moi. Pourquoi c'est un combat ? Parce que justement, au départ, c'est une tendance, on va dire, contre nature. Au départ, nous sommes attachés à la vie et nous n'avons pas forcément envie, justement, de la mettre en danger. Et précisément ici, cet antagonisme qui se noue à la faveur de cette première expérience intersubjective est une expérience qui vise à nous arracher à cet état de naturalité. C'est donc un combat, mais un combat double. C'est un combat, on voit souvent le combat hegélien comme un combat dirigé contre autrui. C'est vrai, mais c'est d'abord un combat dirigé contre soi-même. D'accord ? Ce rapport de reconnaissance est d'abord une expérience où, justement, je combats contre mes propres tendances à être quoi ? À vouloir sauver ma peau, à vouloir être un animal et rien d'autre, à vouloir assouvir mes désirs et rien d'autre. C'est donc, justement, d'abord un combat contre soi-même qui, parce qu'il doit être attesté par autrui, devient un combat à l'égard d'autrui. Mais pour autant, ce combat n'est pas à confondre avec la relation de domination et de servitude. Ce combat, il intervient, c'est une première scène, c'est la première scène primitive, j'allais dire. Si vous voyez dans les films, quand on voit deux personnes en voiture qui foncent sur une même route face à face, c'est le premier qui va dévier de la route, qui va perdre le jeu. C'est un peu la même chose qui se passe ici, dans ce combat pour la vie et la mort. On essaye de voir justement si chacun va être capable de risquer sa vie jusqu'au bout. Et donc, Hegel nous dit, il y a une première expérience possible, c'est que les deux finissent par mourir. Les deux voitures s'explosent l'une contre l'autre. Il n'y a plus personne, et donc il n'y a plus personne pour se reconnaître. Échec de la reconnaissance. cette première expérience apprend à la conscience quelque chose, c'est que pour que la reconnaissance marche, il faut montrer certes qu'on n'est pas qu'une bête, mais il faut quand même rester en vie. Et donc il va falloir trouver une autre manière que le risque de sa propre vie pour atteindre cette reconnaissance par autrui de ma valeur. Et c'est là que va s'instaurer le rapport de maîtrise et de servitude. Qu'on va examiner ensemble, Olivier Tarlon, voir ce qu'il se passe du côté du serviteur et ce qu'il se passe du côté du maître, en écoutant un second texte, cette fois-ci, tiré de l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Un texte beaucoup plus clair, me semble-t-il, et facile à écouter que celui que nous avons entendu précédemment. Juste avant ça, vous citiez un exemple de film. Il y en a sans doute beaucoup, hein, où de voitures rouleraient en parallèle, comme une espèce de course pour savoir qui dévirait en premier. On va entendre un autre extrait de film qui lui met en scène ce jeu, cette fois-ci de domination entre le maître d'un côté et l'esclave de l'autre, et le retournement qui a lieu quand l'esclave donne des ordres à son maître. C'est le film de Joseph Losey de 63, The Servant. Getting warmer. You've got a guilty secret. Got a guilty secret. But you'll be caught. I'm coming to get you. I'm creeping up on you. I can smell a rat. I can smell. Tandis que le serviteur travaille pour le maître, son désir reçoit cette envergure consistant en ce qu'il n'est pas seulement le désir d'un celui-ci, mais en même temps contient en lui le désir d'un autre. Le serviteur s'élève donc au-dessus de la singularité, rivé au soi, de sa volonté naturelle, et se tient dans cette mesure, suivant sa valeur, plus haut que le maître considéré dans son égoïsme, intuitionnant dans le serviteur seulement sa volonté immédiate, reconnue de manière formelle par une conscience qui n'est pas libre. Une telle soumission de l'égoïsme du serviteur forme le commencement de la liberté véritable de l'homme. Le tremblement de la singularité de la volonté, le sentiment du néant de l'égoïsme, l'habitude de l'obéissance, est un moment nécessaire dans la formation de chaque homme. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de la philosophie de Hegel cette semaine et aujourd'hui de la dialectique du maître et de l'esclave ou du serviteur selon les traductions. Grâce à Olivier Tinlan qui est avec nous en duplex depuis Montpellier, qui nous a expliqué ce que signifie le terme de dialectique pour Hegel, comment on en arrive à un face-à-face, une rencontre entre d'abord deux individus de conscience et ensuite cette hiérarchie entre le maître d'un côté et l'esclave de l'autre. Et nous venons d'entendre grâce à ce texte que, eh bien, il y avait sans doute un retournement qui avait eu lieu. L'extrait de film The Servant le montre, on voit l'esclave qui finalement se met à poursuivre son maître comme s'il lui-même reprenait le dessus. Et on a entendu dans le texte Olivier Tinlan que Hegel pouvait être non seulement beaucoup plus clair, mais presque poète. Cette expression du tremblement de la singularité de la volonté est très belle. Et pour le coup, on comprend ce qu'il veut dire. C'est un moment nécessaire dans la formation de chaque homme. Il y a quelque chose, il y a un passage nécessaire de cette hiérarchie dans laquelle entre une conscience qui va désirer un autre qu'elle-même. Et ce rapport de force va accoucher d'autre chose. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc, on en était resté à ce combat pour la vie et la mort, et donc, face à l'échec patent de ce combat, puisque si les deux consciences qui risquent leur vie pour montrer leur valeur vont jusqu'au bout, elles meurent, et donc il n'y a plus de reconnaissance possible, face à cet échec, une deuxième expérience va avoir lieu. Cette fois-ci, l'une des deux consciences va garder le cap, va aller jusqu'au bout dans son dédain pour à l'égard de la perspective de mourir, tandis que l'autre va justement éprouver cette angoisse, ce tremblement de sa singularité. Il va craindre la mort et il va justement adopter une posture de servitude à l'égard de la nature et à l'égard de la vie. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Hegel, le rapport de maîtrise et de servitude, c'est d'abord un rapport à la vie. Le maître, il est d'abord maître de la vie avant d'être maître du serviteur. Et le serviteur, il est d'abord asservi à la vie avant d'être asservi au maître. C'est toujours par l'intermédiaire de la vie naturelle que s'instaure ce rapport, qui est donc un rapport à trois termes, et pas un rapport frontal entre maître et serviteur. Alors les histoires de renversement du rapport de maîtrise et de servitude sont classiques. On en trouve beaucoup, notamment chez Molière, évidemment. On en trouve également chez Diderot, pensez à Jacques le Fataliste. On en trouvera plus tard chez Léon Tolstoï, dans sa belle nouvelle « Maître et serviteur ». Ce qui est frappant ici, c'est que ce retournement va s'opérer de manière assez complexe et en même temps assez simple. Allons droit au but. Quel est l'argument de Hegel? D'un côté, donc, on a une conscience qui n'a pas eu peur de mourir et qui donc va adopter une position dominante vis-à-vis de l'autre conscience qui, elle, justement, par cette crainte de la mort, va se mettre dans un rapport d'inégalité, de soumission à l'égard du maître. Donc ça, c'est la première perspective. C'est le serviteur qui est vu depuis la perspective du maître. C'est la perspective que l'on retrouvera plus tard chez Nietzsche et plus tard encore chez Deleuze, quand il, justement, reliera cette dialectique du maître et de l'esclave avec des lunettes nietzschéennes dans son beau livre « Nietzsche et la philosophie ». Donc, vu depuis le maître, le serviteur... Alors, pourquoi dire serviteur et pas esclave? Juste une parenthèse à sujet. Parce que c'est pas pareil, Oui, ça c'est pas pareil du tout. Alors d'une part, quand Hegel veut parler d'esclave, il utilise le terme allemand pour cela, c'est-à-dire sclave. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et d'autre part, le terme de Knecht renvoie directement justement à une idée plus large, anthropologique de servitude. Par exemple, quand il traduit le titre de la quatrième partie de l'éthique de Spinoza, de la servitude humaine, Hegel emploie le terme de Knechtschaft, justement, qu'il emploie ici. Donc, si vous voulez, quand Hegel parle ici de servitude et de maîtrise, il n'est pas du tout dans un rapport social. Et de ce point de vue-là, traduire justement Knecht par le terme d'esclave ou de valet, c'est un contresens. C'est un contresens qui vise à injecter du social, de l'historique. Ce que va faire Alexandre Kojève plus tard, c'est ça? Non seulement Alexandre Kojève, mais Jean-Hippolyte lui-même, Jean-Pierre Lefebvre aussi dans sa traduction. Donc plusieurs traducteurs vont justement... socialiser en fait cette dialectique. Exactement. Et c'est tellement tentant. C'est tellement tentant de le faire. Et en même temps, la force de cette dialectique, c'est justement que c'est notre vie antérieure. C'est une espèce de préhistoire éternelle qui... justement s'intériorise dans toute conscience et finalement qui va se remanifester en chacun d'entre nous de différentes manières dans des expériences cette fois-ci sociales, morales, juridiques, etc. Et donc c'est ça qui est intéressant. Il faut se garder de la socialiser, non pas juste pour être rabat-joie, mais simplement pour lui garder sa puissance transversale, sa puissance justement d'éclaircissement par-delà tel ou tel contexte social. Hegel d'ailleurs dit les choses clairement et dit, moi ce que j'entends faire ici, c'est pas du tout vous parler d'un rapport d'un maître à son valet, c'est pas du tout de mettre en scène des duels comme à l'époque féodale, c'est pas de vous raconter l'histoire de Spartacus, c'est tout autre chose. C'est justement, encore une fois, de vous raconter comment la conscience de soi arrive à accéder à son propre sens. Évidemment, c'est un processus qui va être très long. Pour en rester à notre texte, qu'est-ce qui se passe? Donc d'un côté, on a la perspective du maître, qui montre justement qu'il n'est pas accroché à la vie, qu'il peut affronter la mort en face, sans frémir, et qui donc s'instaure dans une position dominante. De l'autre côté, on a cette figure qui nous semble au départ couarde, peu courageuse, celle du serviteur, qui tient à la vie, qui donc assume de se mettre au service du maître. Alors cette conscience, pour peu que l'on adopte sa perspective à elle dans un second temps, va effectuer trois expériences qui vont être trois expériences décisives pour elle et pour toute conscience humaine en général. Donc j'aimerais les caractériser très rapidement. La première expérience décisive, et c'est, il faut garder en tête que pour Hegel, c'est la combinaison de ces trois expériences qui permet d'enclencher un processus de liberté. Chacune de ces expériences en elle-même n'est pas suffisante pour se libérer. La première expérience, c'est l'expérience précisément de la crainte de la mort. Finalement, le serviteur, qui paraissait lâche du point de vue du maître, est peut-être plus courageux qu'il n'y paraît. Le maître qui n'a pas peur de la mort n'a peut-être pas assez regardé la mort en face et ne pouvait finalement risquer sa vie que parce qu'il n'avait pas pris conscience des enjeux de la mort. Et le serviteur, c'est celui qui justement va sentir toute son individualité, toute sa singularité, être ébranlé, être déboussolé, être complètement idéalisé, dit Hegel, c'est le terme, c'est-à-dire va perdre l'identité compacte de sa réalité. Voilà, tout d'un coup, je me rends compte que je suis traversé par quelque chose qui met ma réalité en question. Ça, c'est la première grande expérience, la mort qui, pour Hegel, désigne, comme il le dit joliment, le maître absolu. Le maître absolu, pourquoi ? Parce que c'est justement celui au contact, c'est celui qui m'apprend, celui dans la soumission à ce maître absolu, j'apprends ce qu'il en est de ma propre réalité. Ce que vous voulez dire, juste pour être sûr de bien comprendre, oui. Pardonnez-moi, c'est que l'esclave fait davantage d'expérience de la soumission à la mort parce qu'il se soumet à un maître. C'est en cela qu'il est finalement plus sage que le maître. Pourquoi est-ce que le serviteur serait plus avancé dans l'étape vers la liberté que le maître ? Alors, parce que justement, en ayant peur de la mort, il voit la mort en face, il la prend au sérieux. Là, on a l'impression que le maître, finalement, ne la prend pas vraiment au D'accord. sérieux. Première étape. Deuxième chose, le serviteur se met au service du maître. Et ça, c'est une étape très importante, nous dit Hegel. Pourquoi ? Parce que quand je suis au service de quelqu'un d'autre, alors évidemment, si on regarde ça du point de vue du maître, il s'agit juste d'une position subalterne, en soi peu valorisante, mais en soi, le service, c'est une discipline du désir. J'apprends justement à satisfaire les besoins d'un autre et non pas mes propres besoins. Un animal satisfait ses propres besoins, un homme, un être spirituel est capable justement de se décentrer, d'opérer un décentrage à l'égard de sa propre perspective pour prendre en compte les désirs d'autrui et pour les satisfaire. Donc ça, de ce point de vue-là, la servitude, le service, on voit bien ce champ lexical qui se maintient, le service est une expérience extrêmement formatrice pour le serviteur, puisqu'il apprend à donner à son désir une amplitude, à intégrer le désir d'autrui dans son propre désir. Il désire satisfaire le désir du maître. Et donc ça, c'est quelque chose, si on voit plus loin, qui va déboucher dans la société civile sur ce que Hegel appelle le système des besoins, c'est-à-dire sur la formation d'un système économique où, justement, chacun pourra travailler pour satisfaire non pas ses propres besoins, mais les besoins de la société civile dans son ensemble. La dernière expérience décisive pour la liberté, c'est justement le travail. Alors, on a souvent fait de cette expérience une expérience un peu autonome. Et notamment, Kojève fait souvent comme si le travail par lui-même était émancipateur. C'est pas du tout le cas pour Hegel. Hegel nous dit que le travail, c'est ce qui permet de donner une traduction extérieure dans l'objectivité naturelle à, justement, cette secousse ontologique que le serviteur a éprouvée dans l'expérience de la mort. Finalement, cette secousse qui fait trembler le serviteur, elle a besoin de s'extérioriser, de se convertir dans une activité pour justement ne pas être simplement une expérience stérile, mais être une expérience féconde de transformation de soi par la transformation du monde. Le travail forme, nous dit Hegel. Le travail, il y a deux manières pour le serviteur de se défaire de l'animalité de son désir. D'une part, servir son maître, donc intégrer les désirs du maître dans son activité, et d'autre part, transformer le monde extérieur. En effet, travailler les choses naturelles, on peut penser par exemple à quelqu'un qui moissonne un champ de blé et qui va en faire de la farine, puis du pain, travailler en ce sens-là, c'est le contraire de la simple consommation à laquelle nous invitait le désir animal. Plutôt que simplement de supprimer les choses naturelles autour de moi, je vais les transformer, je vais leur donner la marque de l'humain, la marque de mon activité spirituelle. Je vais faire de la nature un reflet objectif de l'activité spirituelle. Et donc, avec ces trois expériences, la crainte de la mort, le service du maître et le travail, le serviteur va jeter les bases de ce qui prendra la forme plus tard d'une libération. Et cette libération, quel épilogue, Olivier Talon. Du coup, on vous suit, on voit que tout conduit à la libération, mais on y entend aussi une dimension plus politique. Vous disiez, le serviteur est celui qui sait mettre son désir au service d'autre chose et donc peut dépasser son propre égoïsme. Peut-être que je surinterprète en disant cela, mais c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Et mais cette démarche-là, on y voit aussi les bases nécessaires à la formation d'un État, d'une constitution politique. Non, vous n'exagérez pas. Hegel le dit clairement. Il s'agit bien, en effet, de se défaire de son égoïsme et de son entêtement, lui dit Hegel, c'est-à-dire d'une manière de ne penser qu'à soi, qu'à ses désirs, qu'à son propre rapport à la réalité naturelle. Et ça, d'ailleurs, c'est le piège du maître, de ce point de vue-là, qui demeure enfermé dans sa singularité. Le serviteur, justement, trace une route. Alors, une route qui est encore très longue. On n'en a pas fini. On n'est qu'au chapitre 4, à ce moment-là. Il y a encore beaucoup d'expériences à faire avant de se réconcilier avec le monde, et notamment avec le monde social et historique des hommes. Mais ce qui est sûr, c'est il y a les leçons à tirer de cette expérience, qui encore une fois n'est pas une expérience définitive, c'est une première expérience de la conscience de soi, une première expérience du rapport à l'autre. Les leçons à en tirer, c'est quoi? C'est justement que pour devenir un esprit libre, il faut, un, être capable de mettre à distance justement sa réalité naturelle. Deux, il faut être capable d'opérer un décentrage, d'intégrer autrui dans sa représentation du monde et dans ses désirs. Et il faut être capable aussi d'investir le monde pour en faire un monde humain. Si vous combinez ces trois choses, vous avez justement la formation d'un processus de Bildung, comme le dit Hegel en allemand, c'est-à-dire de culture au sens d'une formation de l'individu et d'un peuple, qui va ensuite pouvoir prendre la forme, justement, d'un État réglé par un code juridique, par des valeurs morales, par une constitution étatique, dans lequel vont pouvoir se rejouer, cette fois-ci sous une forme plus satisfaisante, des processus de reconnaissance. C'est plus facile de se reconnaître quand on est adossé, justement, à un cadre familial, à une corporation professionnelle, à tout simplement à l'identité nationale d'un État. Hein, ce qui permet justement de se donner un fond d'universalité d'emblée qui nous fait sortir de ce face-à-face instable entre les deux consciences de soi. C'est dire combien la lecture marxiste de cette idée de la dialectique du maître et du serviteur est un contresens, non? Parce que l'idée de soumission est très forte, elle est nécessaire à une libération qui elle-même doit conduire à une autre soumission qui est celle à l'État finalement. Oui, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une même soumission dans les deux cas. Hegel nous dit, finalement, la dialectique du maître et du serviteur, c'est une expérience, c'est une sorte d'allégorie qui permet de rendre compte de ce qui se passe avant que n'existe un État, avant que n'existe une vie civilisée. Finalement, il faut en passer par un processus assez vieux, un processus violent, un processus où on met sa vie en jeu pour pouvoir instaurer un État. Donc le commencement des États est souvent violent, ce qui ne veut pas dire que la violence justifie l'État. Par contre, il ne s'agit pas d'en rester à ce régime de soumission. Quand il n'existe pas de droit, quand il n'existe pas de règles juridiques, un code moral ou des valeurs politiques de citoyenneté, forcément, les rapports de soumission sont des rapports brutaux, des rapports d'asymétrie qui ne passent pas justement par des normes universelles. La soumission qui se met en place dans l'État, pour Hegel, est une soumission très différente. C'est une soumission qui n'est pas de contrainte, mais d'obligation. Et là, Hegel s'inspire de Rousseau à ce niveau-là, hein, qui, dans le contrat social, distinguait bien les deux. La contrainte, c'est le droit du plus fort. C'est finalement un rapport naturel entre un individu et d'autres individus. L'obligation, c'est le fait, justement, de se soumettre librement à quelque chose dont on éprouve la légitimité. Et donc, c'est tout l'enjeu de la philosophie politique de Hegel, de mettre en place les conditions de cette légitimité de l'obligation politique. Et on en parlera jeudi prochain avec Jean-François Kerzagan. Un grand merci à vous, Olivier Talon, d'être venu nous éclairer sur cette dialectique du maître et du serviteur aujourd'hui. Merci Adèle Vendrette. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Montpellier et je renvoie les auditeurs à vos ouvrages Hegel, maîtrise et servitude aux éditions Ellipse, qui est malheureusement épuisé au sens propre du terme en ce moment. Donc on en appelle à une nouvelle édition parce que c'est vraiment un trésor pour se familiariser avec tout ce que vous venez de dire aujourd'hui. On peut aussi réécouter l'émission à l'infini, hein, mais bon, vous lire aussi est bien utile. Et vous êtes aussi l'auteur d'un recueil de textes de Hegel qu'on trouve aux éditions du Seuil. On se quitte avec une chanson qui célèbre un esclave qui, lui, a su se libérer. C'est King Kunta de Kendrick Lamar. I got a bone to pick. I don't